c'est fort. Au fond d'elle, c'est très bien que c'est mort. Elle est devenue folle. Elle m'a demandé de choisir entre elle ou tous mes potes. Mais elle sait que j'ai pas le choix. Ouais, c'était elle ou le quartier. Mais là, vous laissez se marier. Mais moi, je voulais que maille. Elle sort, j'ai tout fait tous ses visages. Je te rappelle après, je suis plein de missions. Je la vois paniquer la mise. Ma capa est hors de question. Oh, ouais, nah, nah, nah. Faut faire ce qu'il est fort. Je suis dans Marvel, je donne un marteau si j'ai tort. Elle a un bête de corps. Son daron prend la confiance, augmente le prix de la dot. En vrai, j'étais paré. Mon choix est déjà fait, rien ne sert de parler. Mes pensées tourneront, pourtant tout était carré. J'ai fait l'air ma vie sans toi, combien veux-tu parier? J'avais ce que j'avais à faire, qu'elle le veuille ou non. Elle sait très bien que je suis le meilleur. Solo quand je fais mes affaires. Chaque jour que j'évolue, je deviens plus dangereux que la veille. Quand ça parle sur nous, sur nous, sur nous, sur nous, sur nous, sur nous, sur nous, sur nous, sur nous, sur nous, sur nous, sur nous, sur nous, sur nous, sur nous, sur nous, sur nous, sur nous, sur nous, sur nous, sur nous, sur nous, sur nous, sur nous, sur nous, sur nous, sur nous, sur nous, sur nous, sur nous, sur nous, sur nous, sur nous, sur nous, sur nous, sur nous. J'ai 10% dans mon tel, je veux voir ta tête, appelle FaceTime. J'ai pas de permis, je prends le tram, et pour tout je pars en guerre. J'aime trop faire les choses bien, donc tu sais que des fois, je fais tout de travers, je me sens mal, je me sers un verre. Je me sens prêt, présente ton père. À chaque fois je me rapproche d'enfer. Mais j'ai pas le choix, je dois le faire. Je suis devant le bâtiment. Comme mon crâne, ça tape comme un Baltimore. Elle ferait tout pour moi, et moi pour elle, je te laisse pour mort. J'ai fait ce que j'avais à faire, qu'elle le veuille ou non. Elle sait très bien que je suis le meilleur. Solo quand je fais mes affaires, chaque jour que j'évolue, je deviens plus dangereux que la veille.